sur Radio Dio, c'est qui ou quoi? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure ou un peu plus aujourd'hui pour vous parler de livres à lire ce soir avant d'aller vous coucher ou demain dans la journée. Donc, bienvenue dans cette dernière émission de l'année de Qui ou Quoi, qui a eu une grosse pause parce qu'il n'y a pas eu d'émission pendant tout le confinement, puis pendant le tout déconfinement et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a pas eu d'émission du tout. Donc, c'est la dernière émission de la saison. Traditionnellement, eh ben, je ne suis pas tout seul, en général, depuis le début de l'émission, en vrai, à la dernière émission de l'année. C'est Tiffen qui est avec moi et donc nous n'avons pas dérogé à la tradition et Tiffen est avec moi. Bonsoir Tiffen. Bonsoir. Donc ce soir, comme tous les ans, je te laisse la place et le micro pour cette émission, pour un livre dont tu vas nous parler et que je vais te laisser présenter. C'est parti. Merci Axel pour ton invitation. Donc je vais parler ce soir d'un bouquin d'Emmanuel Todd qui a été publié récemment. C'est un livre qui est incontournable à mon sens pour comprendre la France d'aujourd'hui qui s'appelle « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Alors il y a plein de choses à dire sur ce livre qui est dense. Je vais d'abord commencer par parler de l'auteur qui est Emmanuel Todd, qui est historien et anthropologue. Il a 69 ans. Et donc il est plutôt au terme de sa carrière et il connaît un grand succès depuis le début des années 80. Il est mondialement connu dans le champ universitaire et ses travaux ont avant tout porté sur les structures familiales et leurs relations avec les idéologies, chose qu'il a étudiée dans le monde entier. Todd, c'est aussi un prospectiviste, c'est-à-dire qu'il utilise les résultats de ses travaux pour prédire des choses et il a souvent prédit des choses justes. Il a deviné par exemple la décomposition de la sphère soviétique dès 1976 dans son premier bouquin, à partir de statistiques de la mortalité infantile, le déclin de la puissance états-unienne dans Après l'Empire en 2002. Il a aussi deviné les révolutions du monde arabe et il a prédit aussi l'échec de l'euro, dont il est question notamment dans ce livre. Todd n'a pas hésité à s'attaquer aux préjugés communs, ni à tirer des conclusions qui vont à l'encontre des autres chercheurs. Il a affirmé par exemple que les émeutes de 2005 ont été un signe d'intégration des enfants d'immigrés des banlieues à la société française, parce qu'elles étaient un signe d'imprégnation des valeurs de liberté et d'égalité. Et il a aussi montré que la vague de manifestations massives de soutien à Charlie Hebdo en 2015, en fait, n'était pas un soutien à la démocratie comme le mouvement le prétendait, mais plutôt révélateur, une vague révélatrice du catholicisme zombie. Alors ce nouveau livre, « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », a été achevé précisément le 2 décembre dernier, soit exactement un an après le mouvement des Gilets jaunes, enfin après le summum de la révolte plutôt, et 3 jours avant le début des grèves sur les retraites. En partant de l'histoire très contemporaine, de 92 à 2019, Todd y analyse ce que la France traverse actuellement, alors attention c'est festif, le déclin économique dû à l'euro, l'effondrement de la démocratie représentative, un régime de plus en plus autoritaire et une société qui est à la fois homogène et en train d'imploser socialement. Et comme l'indique le titre, il s'inspire de Marx, puisqu'il reprend le titre de Marx, d'un livre de Marx qui date de 1850, qui était « Les luttes de classe en France ». Il faut revenir un peu sur Marx et la lutte des classes. Marx, c'est sans doute le penseur le plus important de l'histoire depuis le 19e, voire de l'histoire tout court, parce qu'il a été le premier à décrire la réalité sociale, économique, politique, culturelle, voire anthropologique de la société capitaliste. Il a démontré que l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes, que la société est divisée en classes sociales aux intérêts antagonistes, Et dans la société capitaliste, on distingue ainsi la bourgeoisie, classe dominante, dirigeante, propriétaire des moyens de production, qui exploite le prolétariat pour accumuler davantage de capital, et le prolétariat dominé, non possédant, exploité par la bourgeoisie dans le cadre du salariat, qui gagne des salaires qui lui permettent juste de survivre et qui doit faire la révolution pour créer une société sans classe. Ça, c'est ce qu'on voit dans le manifeste du Parti communiste avec Engels, écrit en 1848. Mais Marx, il a aussi montré que l'organisation sociale est plus complexe que ça, qu'elle n'est pas simplement une division binaire. Donc il a distingué la bourgeoisie financière, la bourgeoisie industrielle, la petite bourgeoisie qui est l'ancêtre des classes moyennes, et le sous-prolétariat. En tout cas, l'histoire montre que c'est en se soulevant que les classes exploitées peuvent changer les choses. Une révolution socialiste doit mettre fin à la lutte des classes, et seules des révolutions comme celle de 1789 peuvent changer les rapports de production. On était alors passé du féodalisme au capitalisme. Et même toutes les avancées sociales, même les victoires partielles, ont été acquises par des soulèvements. Par exemple, les congés payés ont été obtenus par le blocage du pays en 1936, la sécurité sociale par le triomphe de la résistance en 1944. Et ici, la période que recouvre le bouquin de Todd commence en 1992, juste après la chute de l'URSS. C'est une période de triomphe du capitalisme, de régression sociale et de renforcement de la classe dominante. Et le milliardaire Warren Buffett a pu ainsi déclarer en 2005 une phrase très célèbre: « Il y a une guerre des classes et nous, la classe des riches, nous sommes en train de la gagner ». Mais aucune victoire n'est définitive et la bourgeoisie est toujours tiraillée entre deux besoins contradictoires. D'une part, accumuler du capital aux dépens des autres. D'autre part, éviter une révolution qui mettrait fin à ses privilèges, à son pouvoir. Or, cette révolution est inévitable vu la nécessité d'accumuler. Et cette contradiction centrale fait que la bourgeoisie doit à tout prix éviter que se développe la conscience de classe, des classes dominées. Il faut donc camoufler la lutte des classes. C'est le rôle des idéologies. Il faut d'ailleurs rappeler que parler d'idéologie marxiste, ça n'a pas de sens, puisque le marxisme, c'est une description du réel, c'est une posture scientifique. Et Marx a justement inventé ce concept d'idéologie pour désigner les systèmes de croyances qui camouflent le réel. Pour camoufler la lutte des classes, la bourgeoisie a inventé toutes sortes de choses, d'idéologies. Le racisme scientifique au XIXe siècle, qui met l'accent sur des races et qui permet d'éviter de parler des classes. Elle a inventé le nationalisme, le militariste. Elle a lancé le thème de la revanche contre l'Allemagne à partir de 1870. L'idéologie du mérite, qui a été largement diffusée par l'école. La croyance magique aux dons, aux capacités innées. Et elle s'est emparée aussi de l'idéologie du libre arbitre, qui venait à la base de la religion. Et tout ça, ça sert à camoufler les classes. Au XXe siècle, c'est le Parti communiste qui est censé mener la lutte des classes et qui a en fait contribué à la camoufler en récupérant la lutte des prolétaires, en la disciplinant d'abord. Pour Todd, comme pour tous ceux qui sont à la gauche du PC, le parti a été un système d'encadrement collectif moral qui s'est substitué à la religion. Et le PC a aussi détourné les dominés de la révolution. On peut rappeler qu'en 1936, seulement 16 ans après la création du PCF, censé être révolutionnaire à l'époque, Maurice Thorez, secrétaire du parti, déclare ceci aux ouvriers qui occupaient alors massivement les usines depuis un mois: il faut savoir terminer une grève. Ensuite, le parti soi-disant communiste français a abandonné ouvertement la perspective révolutionnaire en mai 68 en s'opposant aux révolutionnaires. Et il abandonne bientôt aussi la lutte des classes, puisqu'il s'allie avec des partis bourgeois de gauche, Parti socialiste et Parti radical, lors de l'union de la gauche dans les années 70. À partir de 68, dans les programmes de la gauche en général, le discours de la lutte sur la lutte des classes a été éclipsé, voire a globalement disparu pour être remplacé par les luttes sociétales qui ont été déconnectées du social: féminisme, antiracisme, écologie, faim dans le monde, soutien aux migrants. Et aujourd'hui, ce sont les discours identitaires qui servent à camoufler les problèmes sociaux. On met au centre du débat les différences culturelles ou religieuses, immigration, islam, origine, soit pour les condamner à droite, soit pour les défendre à gauche, mais dans les deux cas, ça camoufle la lutte des classes. Par exemple, lors des émeutes aux États-Unis récemment, Le Monde a ainsi titré « Trump face à des émeutes multiraciales ». C'est donc un discours raciste qui accepte l'existence de race. Todd, lui, parle d'idéologie, mais il va plutôt utiliser le terme en fait de fausse conscience. Il montre qu'en France, aujourd'hui, chacune des classes sociales croit être autre chose que ce qu'elle est en réalité. Et sa grille de lecture, c'est une société française divisée en quatre grandes catégories, sachant qu'une seule de ces catégories, celle des 1% plus riches, est gagnante. Toutes les autres assistent en fait à la baisse de leur niveau de vie. Dans la dernière partie du livre, il est aussi question du soulèvement des Gilets jaunes et Todd parle d'un retour en force de la lutte des classes. Alors on va faire une première pause avec les Berruriers Noirs. Emmanuel Todd, dans les luttes de classe en France au XXIe siècle, s'inspire de Marx, mais il ne faut pas prendre Emmanuel Todd pour ce qu'il n'est pas. Même s'il appelle à relire Lénine, il n'est pas marxiste. Il reconnaît d'ailleurs faire un retour minimal à Marx. En fait, il est plus proche du gaullisme. Il prône la reconquête de l'indépendance de la France comme la priorité absolue. Il prône aussi le partenariat avec les États-Unis contre l'Allemagne pour sortir de l'euro. C'est ce qu'il appelle le gaullisme 2.0. Et surtout, Todd dit et répète que le problème en France, ce n'est pas le capitalisme. C'est l'État qui, dit-il, devient cinglé. Le problème, c'est qu'il omet de dire que l'État est au service du capital, ce qui est dommage parce qu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur ce sujet. On retrouve aussi un habitus bourgeois chez Todd qui réclame d'autres élites, de meilleures élites. Et Todd rejette la démocratie directe. Il dit « une démocratie sans élite ne peut mener qu'à l'anarchie ou au totalitarisme ». Dommage parce qu'il n'argumente pas et en fait ça révèle surtout sa peur du peuple. Il est opposé au libre-échange, il défend le protectionnisme, mais l'exploitation par le salariat et l'accumulation du capital ne semblent pas être de vrais problèmes pour lui, de même que les inégalités, sous prétexte qu'elles sont moins fortes qu'au 19e ou qu'aux États-Unis aujourd'hui. Todd dit aussi que l'existence de milliardaires n'est pas vraiment un souci. Or, d'après Piketty, il suffirait pourtant d'imposer de 2 ou 3% seulement le patrimoine des 3% plus riches pour éliminer le déficit. Il va donc bien falloir un jour qu'on s'occupe de ces gens-là. Et Bernard Arnault, il faut rappeler qu'il gagne plus d'un million de fois le SMIC. Il a gagné plus de 18 milliards d'euros en une seule année. De plus, Todd, il y a quelque chose qui pose vraiment problème dans ce livre, c'est qu'il ne l'a pas écrit tout seul. Or, il n'y a qu'un seul nom sur la couverture. Il l'a écrit avec Baptiste Touvray, qui l'a vraiment beaucoup aidé. Alors, il est remercié quand même dans l'introduction, il est remercié à plusieurs reprises, mais dommage qu'il ne soit pas sur la couverture. Mais au moins, Emmanuel Todd, malgré ses défauts, est lucide et honnête. Il reconnaît qu'il est un bourgeois, il reconnaît qu'il est nul en politique. Après avoir été aux Jeunesses communistes, dans sa jeunesse, il a soutenu quand même Chirac en 1995, Hollande en 2012, et en 2017, il dit avoir hésité entre Mélenchon et Dupont-Aignan. Il a fini par voter Mélenchon. Mais à part ça, son bouquin mérite vraiment d'être lu. D'abord parce que sa vision d'anthropologue est très éclairante, et en plus, elle est enrichie par le recours à d'autres disciplines, histoire, sociologie, géopolitique, économie, psychologie. Il utilise aussi massivement la statistique et en fait, il enrichit énormément son livre de nombreux graphiques, de tableaux, de cartes qui sont à la fois simples à lire et efficaces. Il est aussi honnête intellectuellement. Il n'hésite pas à remettre en cause ses propres conclusions de ses travaux passés. Il a fait de grandes trouvailles en écrivant ce livre, il le dit. Donc ce livre a fait avancer ses travaux d'une certaine façon. Il a aussi beaucoup d'humour et une grande liberté de ton. En décembre 2018, au summum de la crise des Gilets jaunes, il n'avait pas hésité à dire à la radio que Macron relevait de la pédopsychiatrie, avant de le qualifier de fascistoïde. Et dans ce livre, il attribue des qualificatifs assez gentils à nos dirigeants, comme Chirac est un crétin, Sarkozy un machin, Hollande un nain et un autiste, Macron un faillot et un micro-Jupiter. Il faut reconnaître que tout ça est assez bien trouvé, et on retrouve l'art de l'insulte des surréalistes et des situationnistes. Son livre est aussi à la fois scientifique et civique. Il est écrit dans l'urgence, après le soulèvement des Gilets jaunes, grâce au soulèvement des Gilets jaunes en fait, et dont Todd a dit qu'il lui a rendu sa fierté d'être français. Il veut donc servir cette cause. Alors c'est pas la cause du communisme, mais lui il veut servir la cause d'une révolte en fait modérée. Mais c'est déjà ça. Alors, dans la première grande partie de son livre, il parle plutôt de la société, du changement social, et il parle du début de l'implosion de la société française. Son idée majeure, c'est que le niveau de vie baisse pour tous les Français, sauf les 1% plus riches. Donc la société est homogène dans sa chute. Après 25 ans de stagnation, on peut désormais parler de déclin économique. La société, dit-il, est en voie de ressous-développement, ce qu'indiquent de nombreux indicateurs. Comme la baisse de la mobilité, la baisse de la fécondité, la hausse de la mortalité infantile, la pauvreté qui touche de plus en plus de groupes sociaux, une désindustrialisation qui est accélérée, les dominants prétendent que c'est normal dans une société avancée. Macron a même parlé, il a osé parler de destruction créatrice d'emplois. Et un des résultats, en tout cas, c'est que la France s'est retrouvée en situation d'indigence sanitaire pendant l'épidémie. Pas de masques, pas de tests, pas de gel. Concernant les mentalités, le taux de suicide s'effondre, mais il est remplacé par une dépression nerveuse collective, d'après Todd. L'homme n'est pas augmenté, mais diminué, incapable d'agir. Un des signes, c'est la multiplication des livres sur l'effondrement qui imagine en fait notre impuissance à agir face à un futur apocalyptique. Todd, ici, s'appuie sur le sociologue Alain Ehrenberg, qui a parlé de la fatigue d'être soi. Todd parle aussi de l'indécence commune. Il contre ici une idée d'Orwell, la common decency, qui a été récupérée par les réactionnaires, selon laquelle le petit peuple serait par essence meilleur que les élites. C'était sans doute vrai à la fin du Moyen-Âge, mais ce n'est plus vrai dans une société qui est devenue entièrement individualiste, avec le triomphe de la société de consommation, de la bagnole, de la télé. Todd parle également d'une crise éducative, et là, il faut vraiment développer, parce qu'il fait une analyse très originale et lucide. Il dit d'abord qu'il y a un problème, c'est la chute du niveau scolaire depuis 30 ans. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est vrai, c'est avéré. Il y a eu des évaluations des classes de CM2 de 87 à 2017 en maths et en orthographe qui attestent de cette chute, et c'est toute classe sociale confondue. Alors il dit que c'est davantage, il rappelle que c'est davantage dû à l'environnement familial qu'à l'école elle-même, puisque l'âge crucial du développement du cerveau, c'est la petite enfance. Et il dit qu'une des causes majeures, c'est la chute de la lecture qui a été remplacée par les écrans massivement. Or, c'est la lecture intensive entre l'âge de 6 ans et l'âge de 10 ans qui structure le cerveau. Or, dans toute société, le moteur de l'histoire, c'est le développement de l'éducation. L'anthropologie lui a permis de découvrir que c'est beaucoup plus important que le développement de l'économie, par exemple. L'alphabétisation de tous, en effet, a fait progresser la démocratie dans l'histoire et a créé un subconscient égalitaire. En revanche, contrairement à l'intuition commune, l'éducation supérieure, c'est-à-dire les études, n'est pas un bienfait pour l'humanité. Elle crée un subconscient inégalitaire parce qu'elle n'est pas pour tous. Or, la masse des diplômés du supérieur a doublé de 1999 à 2018. La France est aujourd'hui divisée entre un tiers de diplômés et plus de la moitié de la population qui n'a pas accès aux études. Ça ne sert donc qu'à stratifier la société, à distinguer les diplômés des autres, et ça développe le mépris de classe. Justement, une des originalités du livre, c'est que Todd distingue l'intelligence et le niveau d'études et le niveau scolaire. L'enseignement supérieur, dit-il, ne fabrique pas des gens intelligents, mais des crétins diplômés. L'accumulation d'années d'études, d'examens et de concours ne laisse effectivement aucun temps pour la réflexion personnelle, pour le recul et la créativité. Pendant des années, les étudiants se retrouvent dans une bulle déconnectée du réel. De plus, les deux critères de réussite dans les études aujourd'hui ne sont plus l'intelligence, mais l'argent, puisque les diplômes des grandes écoles s'achètent, et le conformisme, donc l'incompétence. Par exemple, pour rentrer à l'ENA, il faut dire que l'euro c'est bien, ce qui est une bêtise. Ce qui fait écho au livre de François Bégodeau, « Histoire de ta bêtise » d'ailleurs, sorti l'an dernier, qui était un livre magnifique sur la crétinerie bourgeoise, notamment de la bourgeoisie éduquée. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'il dit que l'intelligence ne diminue pas pour tout le monde. En effet, une forme d'intelligence réelle, non scolaire, se réaccumule dans les strates moyennes et inférieures de la société, dans les strates les moins éduquées. Et Todd met en parallèle l'intelligence historique des gilets jaunes et la crétinerie des énarques cravatés, désemparés en face. Une autre originalité du livre, c'est que Todd veut faire une description sociale de la France, mais en ne s'appuyant surtout pas sur l'INSEE. Alors, l'INSEE, c'est un peu l'organisme incontournable, c'est l'organisme de statistiques d'État que tout le monde utilise. Et Todd dit que c'est un acteur majeur de la fausse conscience nationale. D'abord parce que l'INSEE prétend que le niveau de vie augmente, ce qui est effarant puisque 66% des Français reconnaissent qu'il baisse. Et en fait, c'est parce que ces méthodes de calcul sont aberrantes. Ils n'intègrent pas la hausse des loyers ni celle du prix des logements. Or, ceux-ci ont été multipliés par 2 ou 3 en 30 ans. L'INSEE, de plus, fournit une typologie de catégories socioprofessionnelles, les fameuses CSP. Donc, elle divise la société en 6 CSP, qui est obsolète puisqu'elle a été inchangée depuis 1982. Et on trouve des aberrations comme les clowns qui sont mis au même niveau que les médecins et au-dessus des traducteurs, par exemple. Todd propose alors une autre classification sociale de la population française en 4 groupes. Le premier groupe, c'est les 1% plus riches qui sont détenteurs du capital. Les Français qui touchent plus de 8 850 euros par mois, ce qui concerne environ 374 000 foyers, soit à peu près ceux qui payaient l'ISF avant qu'elle soit supprimée. Parmi eux, les 0,1% de l'aristocratie statofinancière, c'est-à-dire la haute administration et la haute finance, qui possèdent les médias. Alors dans ce groupe, ce ne sont pas les milliardaires qui dirigent tant que ça. Ils ne sont que 37. Todd dit que l'État est en fait plutôt contrôlé par 333 inspecteurs des finances. Ils sont certes moins riches, mais 10 fois plus nombreux. Alors quelle est la fausse conscience de ce groupe? Eh bien ce groupe se vit comme capitaliste, mais il est centré sur l'État, contrairement aux 1% par exemple du monde anglo-saxon. Le deuxième groupe, c'est les 19% qui sont juste en dessous. Il s'agit de la petite bourgeoisie CPIS. Alors CPIS pour cadre et profession intellectuelle supérieure. Ce groupe recouvre des situations très variées puisqu'on a à la fois des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi des profs du secondaire. La fausse conscience de ce groupe, c'est qu'il se vit comme gagnant alors qu'il est très perdant en niveau de vie, surtout les générations nées à partir des années 80. Or, ce groupe a voté massivement pour les winners, c'est-à-dire pour Macron, pour celui qui représente les gagnants de la mondialisation. Pour les profs qui ont perdu 25% de leur pouvoir d'achat depuis les années 90, les chiffres sont stupéfiants, puisque 38% d'entre eux ont voté Macron au premier tour, et chez les agrégés, ça monte à 50%. On peut donc comprendre pourquoi Todd, dans ce livre, les qualifie de cocus. Alors, pourquoi ce vote ? Cette catégorie, d'une part, a besoin de croire au système. Chez les profs, on a une double croyance qui est massive, au don et au mérite. Et cette catégorie a besoin de mépriser les prolos, mépriser les gilets jaunes, par exemple. Le seul résultat, en tout cas, de ce vote, c'est que Macron les remercie en leur cognant dessus. On a vu récemment un prof bashing hyper intense. Méthode dit qu'il n'est pas exclu que ce groupe bascule, ce qui pourrait entraîner un renversement de situation. En effet, les profs sont près de 900 000 personnes. Et récemment, on a vu des gestes forts de mécontentement apparus dans cette petite bourgeoisie CPIS. On a vu des avocats qui jettent leurs robes, des médecins qui jettent leurs blouses, des enseignants qui jettent leurs manuels. Peut-être s'agit-il d'un signe. Et ce lundi 22 juin, le syndicat des chefs d'établissement a alerté Blanquer dans un communiqué officiel sur l'état de fatigue, de démotivation, d'exaspération, voire de colère, rarement, sinon jamais atteint dans la profession. Fin de citation. Le troisième groupe, il représente 50% de la population française, et Todd l'appelle la masse atomisée, donc il est juste en dessous de la classe CPIS. Il s'agit d'individus isolés par la structure du monde du travail, et ce groupe rassemble des métiers très divers. On a des instituteurs, des infirmières, des agriculteurs, des employés, des ouvriers qualifiés, des artisans, qui voient tous chuter leur niveau de vie. Alors, plutôt que de fausse conscience pour ce groupe, il est plutôt caractérisé par une non-conscience de classe, puisque c'est une catégorie à la fois atomisée et nouvelle. Il intègre désormais de jeunes diplômés, des enfants déclassés, issus de la petite bourgeoisie. Enfin, en bas, on a 30% de prolétaires, c'est-à-dire des ouvriers et des employés non qualifiés. Parmi eux, tout en bas de cette catégorie, les 5% immigrés d'origine extra-européenne. La fausse conscience de ce groupe, c'est que les ouvriers ont conscience d'être attaqués d'en haut, mais pour les non-immigrés d'entre eux, ou non d'origine immigrée, ils se vengent sur les immigrés en votant FN. En fait, le problème, c'est que Todd néglige ici totalement l'abstention. Il dit que le FN, c'est le premier parti ouvrier, alors c'est celui qui obtient le plus de voix, d'accord, mais l'abstention est beaucoup plus massive que le vote FN chez les ouvriers. Et c'est un des grands angles morts de son livre. D'ailleurs, il est dommage, quand on qualifie la vie politique française de très grande comédie, comme le fait Todd, un peu plus loin dans son livre, de ne pas prendre au sérieux l'abstention. On va faire une deuxième pause avec les porte-manteaux, le « Ça ira ». Des peines de somme, ça ne pourrait pas durer toujours. Quand je me donnerai pas si loin, vu que c'est bien pire au dé, ça aurait fini une seule présidente. Je suis tombé sur les noms, on va s'offrir ma boue dans la boue. Tiens, c'est mon type, dans la loi. Emmanuel Todd, dans Les luttes de classe en France au XXIe siècle, parle d'une chose qui caractérise toute la société française. C'est une sorte de haine de classe généralisée, d'une cascade de mépris, dans le sens où chaque classe sociale regarde vers le bas, parce que la société est en déclin, et méprise les classes inférieures à elle. Donc il parle du sadisme social des 1% plus riches, qui ont mis en place la loi travail, donc la casse du code du travail, la suppression de l'ISF, la retraite par points, qui n'est autre qu'un minimum vieillesse pour tous. Chez la petite bourgeoisie, on se passionne pour les réfugiés, mais pour mieux mépriser les prolos. Ça se traduit par le vote Macron. Chez de nombreux prolos d'origine française, méprisés par tous ceux du dessus en tout cas, on s'en prend à ceux d'origine immigrée en votant FN, et chez certains prolos d'origine immigrée, qui sont à peu près victimes du mépris de tous, on se venge sur des juifs fantasmés. Alors Todd parle de lutte des classes en s'inspirant de Marx, mais malheureusement, il semble gêné par Bourdieu et se croit obligé de le disqualifier en sortant les clichés habituels. Fixisme, immobilisme, il parle d'une typologie inerte et inutile. Ses critiques laissent penser que Todd n'a pas vraiment lu Bourdieu, puisque Bourdieu disait justement que ceux qui ne le comprenaient pas l'accusaient d'être déterministe, d'être incapable de penser les évolutions. Or, tout le travail de Bourdieu vise à dépasser justement l'alternative entre déterminisme et libre arbitre. Son concept d'habitus, par exemple, est un mécanisme d'adaptation. Il montre que l'intériorisation inconsciente des structures sociales chez tout individu est justement capable de changement. Et ce concept d'habitus est central dans l'œuvre de Bourdieu. Emmanuel Todd écrit aussi une énormité. Il dit « Le bourdieusisme fut une des idéologies naturelles de la France en expansion. » Là, on se croirait vraiment chez les réactionnaires de BFM TV. Et quand il prétend que la société a été réellement méritocratique entre 1945 et 1995, c'est pas non plus très sérieux et ça discrédite plus son livre que ça lui donne du crédit, et c'est dommage. En fait, Bourdieu, quand on sait que c'est l'auteur français le plus lu et le plus traduit dans le monde depuis 40 ou 50 ans, devant Foucault, on se dit que Todd, en fait, doit être jaloux. Et pour reprendre les concepts de Bourdieu, il cherche à se distinguer en tentant de disqualifier un penseur encombrant pour lui, pour se faire remarquer dans le champ intellectuel. Il ose attaquer le plus grand penseur français du XXe siècle, mais il n'était pas obligé. Suite à l'analyse du changement social de la société française de 1992 à 2019, Todd s'attaque au changement politique depuis les années 90 et il dit qu'on est passé de la comédie à la très grande comédie. Alors pour Todd, le tournant, c'est 1992, c'est le traité de Maastricht. C'est la décision de passer à l'euro qui est responsable du déclin économique. Alors en fait, la rupture a été préparée dès 1983, il le dit aussi. Hein. Il parle du tournant de la rigueur, donc la fin de la politique socialiste en fait. Qui visait à stabiliser la monnaie pour la maintenir aussi forte que le mark allemand, le but étant de rester dans le système monétaire européen, quitte à ce que les prix augmentent en France. Les conséquences de cette politique du franc fort, c'est la politique d'austérité. Merci le PS. En 1992, Maastricht est soutenu par le président Mitterrand, par Chirac, par Balladur, et au référendum, le oui passe de justesse à 51%. Et c'est un vote de classe, c'est la petite bourgeoisie, les retraités, les départements périphériques conservateurs qui ont voté massivement pour le oui. L'adhésion au traité, en tout cas, a eu trois résultats. D'abord, la soumission totale de la France à la politique économique allemande qui dicte ses conditions du passage à l'euro, réduire la dette et le déficit, diminuer les dépenses publiques. La conséquence, deuxième résultat, la destruction de l'industrie française avec la multiplication de délocalisations, une multiplication hors norme par rapport à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne ou encore à la Suède. Et un chômage qui se maintient au-dessus des 10% pendant à peu près toute la période. Troisième résultat, la fin de la démocratie représentative. Alors, dès avant l'euro, dès avant 1999, en 1995, c'est le début de la comédie, puisqu'on est passé au « Je raconte n'importe quoi pour me faire élire » avec Chirac, qui a été élu pour réduire la fracture sociale, mais qui, dès son élection, alors avec Juppé, attaque la sécu et les retraites. Et puis, en 2007, Todd parle d'une très grande comédie, puisqu'on élit celui dont on sait qu'il ne pourra rien changer, puisqu'il ne peut prendre aucune vraie décision économique. Ainsi coincé, Nicolas Sarkozy est obligé de dire en 2007 « Oublions l'euro, le problème, c'est l'islam ». Hollande, ensuite, est élu en 2012 sur un programme de gauche. Il poursuit évidemment une politique de droite avec l'état d'urgence après les attentats en 2015 et la déchéance de nationalité et la loi travail. Todd revient aussi sur l'élection de Macron en 2017, dont il compare l'intelligence à celle de Louis-Napoléon Bonaparte, élu en 1848. Autrement dit, un vide intersidéral. Sa pensée est creuse, comme son livre « Révolution » ou encore le concept de « Startup Nation » qui n'est autre qu'un slogan publicitaire. Et sa seule aptitude, c'est de parler pour parler interminablement, sans se laisser couper la parole. Or, il a fasciné littéralement la bourgeoisie, petite et grande. Et un des grands intérêts du livre, c'est que Todd montre que le macronisme est une fausse conscience parce qu'il se prétend antipopuliste. Il démonte l'opposition entre populisme à la Le Pen et élitisme à la Macron. Il montre que ce sont deux catégories qui ne sont pas sérieuses, que cette opposition est fausse et purement idéologique. Alors déjà, Macron et Le Pen ne rassemblent à eux deux que 45% des votes exprimés au premier tour en 2017. Et si on prend en compte l'abstention, le vote blanc est nul, on arrive à moins de 35% des inscrits. Cette opposition écarte donc les deux tiers du corps électoral. La menace du FN qui monte permet surtout aux classes dirigeantes de faire croire qu'elles continuent de défendre la démocratie. Et les deux ont un point commun. Ils prétendent tous deux dépasser le clivage gauche-droite. Or, c'est une des grandes caractéristiques du fascisme français à ses débuts. Quant aux flics, ils votent à 50% FN, mais ils commettent de graves exactions pour protéger Macron. Cette opposition ne semble donc pas sérieuse. Et cela est confirmé par les travaux statistiques de Todd. Alors Todd, il a utilisé il a fait des tas d'études statistiques et il a utilisé des coefficients de corrélation. Ce sont des chiffres entre 0 et 1 qui permettent de mesurer la force des relations entre deux phénomènes différents. Par exemple, présence des immigrés et vote FN dans un département. Et là, il découvre une corrélation inouïe entre le vote Le Pen et le vote Macron en 2017. Moins 0,93. En fait, ça signifie que dans n'importe quel département, on peut deviner à peu près quel score a obtenu Macron à partir du score obtenu par Le Pen. Or, ce qu'a souvent constaté Todd dans ses travaux passés, c'est qu'en statistique, quand une chose est à ce point le contraire d'une autre, c'est qu'il s'agit globalement du même phénomène. On pourrait dire que Le Pen est la cause du macronisme, puisque Le Pen a précédé Macron, et que le seul contenu du vote Macron, c'est l'anti-lepénisme, un peu comme aux États-Unis, le seul contenu du programme des démocrates, c'est l'anti-trumpisme. Todd parle donc de l'émergence du macro-lepénisme et de la convergence probable, si elle n'est pas déjà accomplie ou en train de s'accomplir à travers les violences policières, entre ces deux courants soi-disant opposés. Alors avant de parler des gilets jaunes, on va faire une autre pause avec D'Instinct, le rappeur toulousain. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage. Ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, Des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues. Escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics, et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis, quand t'es en plein milieu de la manif, que tu vois les flics se ganter. Des minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Tu vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? Le mouvement des Gilets jaunes est une rupture. Il marque l'entrée dans une nouvelle période historique, le retour de la lutte des classes. C'est ce que dit Emmanuel Todd dans Les luttes de classe en France au XXIe siècle. Ce retour avait été anticipé par d'autres, hein, prédit par le Comité Invisible, dont il faut lire les trois livres, L'insurrection qui vient, À nos amis et maintenant. Anticipé également par Amable et Palombarini dans L'illusion du bloc bourgeois, dès l'entre-deux-tours 2017. Alors, il y a aussi un super petit livre jaune qui vient de paraître, qui est une analyse marxiste du mouvement, qui s'appelle « La révolte des gilets jaunes », écrit par le collectif « Aou, Aou, Aou ». Ce mouvement exceptionnel et inattendu est venu rappeler aux Français que les problèmes ne venaient pas d'en bas, mais d'en haut. Il a mis dans la rue des gens qui n'avaient jamais manifesté. Il a rassemblé les Français parce qu'il y a eu 70% de soutien, et toujours plus de 50% de soutien en mars dans la population. Il a aussi obtenu une victoire, un recul du gouvernement. Et il a commencé à réunifier les classes populaires, aussi par la politique du flashball pour tous, la politique du flashball était auparavant réservée aux banlieues, et elle s'est étendue aux autres classes populaires. Alors certes, les banlieues défavorisées ont paru absentes du mouvement, mais en fait, elles ont fourni un soutien souterrain au mouvement, ce qui a été attesté par les nombreuses chansons de rap pro-gilets jaunes, et aussi par des propos de banlieusards, recueilli par Todd, qui figure dans le livre. Ce mouvement a aussi rassemblé la France géographiquement, puisqu'il a été homogène sur tout le territoire. Et une des grandes découvertes que fait Todd en tant que chercheur là, dans ce livre, c'est que l'ancienne division du territoire français n'existe plus. En fait, au cours de ses travaux précédents, il disait que la France était divisée en deux grands pôles. Un centre autour du bassin parisien où les valeurs de liberté et d'égalité étaient dominantes, qui a été le bastion de la Révolution française, et des périphéries qui sont restées plus longtemps catholiques, où ce sont les valeurs d'autorité et d'inégalité qui dominaient. Cette division étant liée aux anciennes structures familiales de la paysannerie. Et ces régions, qui étaient des bastions contre-révolutionnaires, les régions de la périphérie, ont vu la révolte des Gilets jaunes particulièrement intense, notamment dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Donc ça montre bien que cette division n'existe plus. La réaction macroniste est venue confirmer l'évolution vers le macro-lepénisme, puisque la répression policière et judiciaire a été terrible et que Le Pen, qui a prétendu soutenir le mouvement, n'a pas appelé du tout à cesser les violences policières. Elle a donc collaboré avec Macron contre les Gilets jaunes. Macron nous a fait passer de la haine de l'étranger, sous Sarkozy, à la haine du peuple. Le ressentiment social de la bourgeoisie, lui, est désormais comparable à celui du 19e siècle. À travers les, on le voit à travers les foulards rouges. Au 19e siècle, on tuait les manifestants. Et dans les médias, le bourrage de crâne a été systématique et la petite bourgeoisie a globalement adhéré à l'offensive médiatique et a perdu toute notion de devoir critique et de liberté d'expression. Macron, lui, est aussi revenu à une idéologie ethno-religieuse puisqu'il a instrumentalisé un incident avec Finkielkraut pour remettre l'antisémitisme au centre du débat alors que ça n'avait pas lieu d'être. Il a prétendu défendre les Juifs qui n'étaient pas attaqués par les Gilets jaunes. Et c'est ce que Todd appelle de l'antisémitisme 2.0, c'est-à-dire qu'on désigne à nouveau les Juifs comme le bouc émissaire. Il faut rappeler qu'une chose et son contraire sont à peu près la même chose, et que dans les années 30, il y avait beaucoup de philosémites, donc gens qui aimaient les Juifs, et qui sont devenus collabos pendant la guerre. Aux élections européennes, donc le FN a obtenu une victoire, mais il est en recul. Quant à l'électorat de Macron, il s'est droitisé. On peut dire que LREM est devenu le parti de l'ordre. Aujourd'hui, Todd dit qu'un coup d'État n'est plus inconcevable et que la suppression des élections n'est plus inimaginable si ces deux courants continuent de converger. Alors, les 6 mois qui ont suivi le bouquin de Todd semblent confirmer le retour de la lutte des classes en France mais aussi dans le monde, et les signes sont nombreux. En 2019, en effet, le mouvement des Gilets jaunes a été suivi par une extraordinaire flambée de révoltes dans un grand nombre de pays, Soudan, Algérie, Hong Kong, puis à l'automne au Chili, en Iran, en Catalogne, au Liban, en Équateur, en Irak, etc. Et ces révoltes ont toutes présenté des ressemblances frappantes avec les Gilets jaunes. Dans leur spontanéité, le fait que ces mouvements n'étaient pas contrôlés par des organisations, dans leur créativité et dans leur dégagisme. Alors évidemment, le silence médiatique a été général, ce qui participe du camouflage de la lutte des classes. Et pour en être informé, il fallait lire l'excellent site lundi matin. En France, cet hiver, le mouvement des Gilets jaunes a aussi été suivi par le plus grand mouvement social français depuis 1995 sur les retraites. Et désormais, nos dirigeants ne peuvent plus sortir sans une armada de flics et de gardes du corps. Ils sont même condamnés à faire les cérémonies à huis clos, comme ce 18 juin au Mont-Valérien. La gestion de l'épidémie a été indigente, ce qui n'arrange rien. Frédéric Lordon l'a bien montré dans plusieurs articles sur le monde diplomatique. On peut d'ailleurs les retrouver sur Internet. On a eu une pénurie incroyable pour la 6e puissance économique mondiale. 2 masques, 2 tests de respirateurs de gel, mais aussi le maintien du premier tour des municipales au plus fort de l'épidémie et la multiplication de mensonges d'État. En gros, on a assisté à un naufrage dans le ridicule. Et probablement qu'il y a eu des milliers de morts en trop à cause de tout ça. Le résultat, en tout cas, c'est que 53% des Français se disaient en colère contre l'exécutif durant l'épidémie. En avril, en plein confinement, suite à des violences policières, des émeutes ont éclaté simultanément dans 30 quartiers populaires en France. C'est parti de Villeneuve-la-Garenne. Et la violence des dirigeants, elle, continue de s'amplifier. Le démantèlement de l'hôpital public continue. Nos dirigeants, en quelque sorte, assument de sacrifier des vies. On a distribué d'ailleurs pendant le confinement, en mars et avril, plus d'amendes que de masques à la population, ce qui résume bien la façon dont on traite la population. Au final, le Covid et le confinement n'ont suspendu la lutte des classes que brièvement, puisque dès début juin, alors que les manifs étaient encore interdites, de nouvelles émeutes ont éclaté, avec de nouveaux primo-manifestants, d'une part contre les violences policières, d'autre part, pour la défense de l'hôpital public. Et l'exécutif en a été réduit à prolonger l'interdiction de manifester. Alors, le mot de la fin, c'est que l'historienne Sophie Vanisch a montré depuis les Gilets jaunes, un mot est à nouveau disponible, un mot qu'on entend de plus en plus dans les cortèges, révolution. On va terminer avec les Tagada Jones. Je regarde la nation. Révolution, république, berceau de la contestation. Perdre son âme peu à peu, des larmes plein les yeux. Brûler les bases à petit feu. Âme absolue, guillotine de nos élus. Démocratie de fer, enfant camp de fer. Quel est son rôle, quel est son jeu, ses ambitions, ses enjeux. Futile ou incréable, ignoble ou abominable. Reste que d'erreur, politique de haine, à grands coups de matraque. nuisible, submersible, telle une bête de corrida, gladiateur d'autrefois. Et pourtant moi j'y croyais un peu. Tu chantes plein les yeux. Et pourtant moi j'y croyais un peu. Ce sera noir sur bleu. Conscience américaine, le culte du crime, l'amour de la haine, la défense par la violence, par les armes illégaux, plutôt que les idées, les actes, les mots. Oui messieurs, si nos mots restent stériles, sans réponse à la fois vain, c'est inutile. Toujours risé, bafoué, moqué, ne craignez-vous pas qu'on finisse par tout casser. À toujours vouloir nous écraser, à toujours vouloir nous humilier. Encercler le mouvement, contrôler méthodiquement, peindre la cage de notre rage. Briser nos rêves et revendications, étouffer nos actes et mobilisations. Vous attisez la haine, l'envie de faire front. Jusqu'où doit-on aller, je vous prends l'engagement. La haine, la rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. La rage dans les yeux, nous avons la haine. Et ben voilà, c'était la dernière émission de la saison de Qui ou Quoi, car a été une demi-saison au final. Merci Tiphaine pour cette dernière émission, toujours pertinente et toujours trop bien de finir sur une émission que tu as préparée. J'en profite d'ailleurs, tout à l'heure tu as cité le livre de Bégodeau. En fait, t'en avais parlé l'année dernière à la même date. Et pour ceux que ça intéresse, qui ont aimé cette émission et qui seraient interloqués par ce que t'as dit et qui ont envie de rebondir, pour le coup, le podcast est disponible sur le site de Radio Dio pour réécouter. Alors malheureusement, je peux pas dire la date ni le numéro de l'émission ou quoi que ce soit. Mais c'était la dernière émission de la saison de l'année dernière, quoi. Ouais. ça peut être une façon de le retrouver assez facilement. Merci beaucoup à toi. Vraiment. On va pas se faire des courbettes pendant 3 heures, mais merci tout ça. Donc voilà, la dernière émission. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouve l'année prochaine, normalement, si tout va bien, si on survit à l'été. Et puis, peut-être Tiphaine, avant la dernière émission de l'année prochaine, ce qui serait bien aussi. Voilà, bonne soirée, à bientôt sur Radio Dio. Bonsoir.